Racine de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour. Bien, je vous propose aujourd'hui d'écouter une présentation du livre « Une autre histoire des Trente Glorieuses, modernisation, contestation et pollution dans la France d'après-guerre ». C'est paru aux éditions La Découverte en 2013. Un livre qui a été coordonné par Céline Pessis, Céline Topsou et Christophe Bonneuil. Cet ouvrage compte une quinzaine d'articles environ. Dans la précédente émission de Racine de moins 1, les auteurs avaient présenté la première partie du livre qui s'intitule « De la geste modernisatrice ». Et là, je vous propose donc d'écouter la présentation, assez courte d'ailleurs, de la deuxième partie de cet ouvrage qui s'intitule « Des résistances au progrès et de l'art de les marginaliser ». Tout de suite, je cède la parole aux auteurs. On a parlé jusqu'à présent des dégâts du progrès, pour reprendre une expression qui va être utilisée par la suite par le syndicat CFDT. Maintenant, on va essayer de parler un petit peu des résistances à ces dégâts, c'est-à-dire qu'en fait, on disait au début, le terme qui est souvent utilisé pour les Trente Glorieuses, avec des guillemets, c'est la révolution silencieuse, et en fait, on se rend compte dans le livre qu'elle n'a pas été si silencieuse que ça, et que beaucoup ont levé la voix, protesté, émis des critiques. Alors, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que... Il y a un article qui porte notamment sur une question qui finalement n'est pas très connue, je trouve, y compris dans les milieux anarchistes. C'est la préoccupation, les premières préoccupations environnementales dans le mouvement syndical. On a souvent tendance à dire que le syndicalisme a été finalement complice du productivisme, dans la mesure où finalement il y avait une élévation du niveau de vie qui était permise par l'industrialisation et par le productivisme des Trente Glorieuses, et que finalement ça satisfaisait les ouvriers, et donc le mouvement syndical n'avait guère protesté là-dessus. On se rend compte en fait à la lecture de l'article du livre, article de Renaud Becot, que finalement aussi bien la CGT que la CFTC, qui est après devenue la CFDT, ont été des syndicats qui ont été par moments très virulents en fait sur ces questions-là, qui ont émis des rapports, émis des protestations sur cette question du productivisme et du consumérisme, aussi bien en termes de conséquences sur la santé des travailleurs que sur ce prétendu confort et ce prétendu niveau de vie qui en fait produisait une vie finalement... comment dire, sans qualité, et qui par ailleurs tendait à endormir aussi les travailleurs dans leur protestation politique, leur organisation sur le lieu de travail en vue de transformer la société. Je cite juste un petit passage, c'est paru dans le journal Syndicalisme Hebdo en 1964, c'était le journal de la CFTC qui allait devenir la CFDT. L'auteur de l'article écrit « Il faut contester la logique de ce monde qui tend à montrer qu'il n'y a pas de réforme de structure à désirer, et que dans la mesure où on possède radio, frigidaire ou voiture, il ne faut plus poser de problème de structure économique ou politique. » Voilà, c'est assez parlant, on a l'impression d'être dans quelque chose qui aurait été écrit dans les années 70, et en fait non, ça date de 64, et même bien avant, il y a des choses qui s'écrivent dans la presse syndicale de l'époque, et qui sont des vues très, très lucides, en fait, sur ce qui se passe à l'époque. Ouais, ce que montre bien Renaud aussi, c'est qu'il y a vraiment une protestation contre l'individualisation, à la fois des modes de travail, mais aussi des modes de consommation, et qui sont très largement connectés à la question des pollutions. Juste pour citer une autre petite phrase de Syndicalisme Hebdo également, c'est des syndicalistes qui s'indignent de ces mots, enfin qui constatent les mots qu'on leur a promis au nom des sciences et des techniques. Bah moi aussi je vais citer un petit truc alors. C'est dans le manifeste adopté par la CFDT en 65, on lit clairement voilà, qu'ils disent que si le capitalisme a changé de forme sous la poussée des importants progrès scientifiques et techniques de ces dernières années, il n'a pas pour autant changé de nature, il reste le régime d'exploitation de l'homme par l'homme. Donc une critique du capitalisme qui, petit à petit, donc pendant cette période des Trente Glorieuses, en fait, va, contrairement au discours ambiant, donc dominant, commencer à différencier justement les différentes classes à l'intérieur même de la classe ouvrière, en fait, et l'accès inégal à ces facilités, à ces gadgets qui n'arrêtent pas de se multiplier en nombre, et notamment la place de celui qui produit vis-à-vis de cela, c'est-à-dire une consommation, comme disait aussi la CGT de l'époque, subie plutôt qu'une consommation choisie. L'ouvrier qui produit l'automobile, en même temps, étant poussé à vivre dans des HLM bien éloignés de son lieu de travail, va forcément utiliser cette automobile sans forcément avoir choisi de le faire. Donc effectivement, toute une critique qui se forge à partir de ces constats-là. Oui, parce qu'en fait, ce dont on a peu parlé finalement jusqu'à présent, c'est qu'on a beaucoup parlé des problèmes environnementaux, sanitaires, qui étaient liés au développement de la France des années 45-75. Mais il y a aussi une société de consommation qui s'installe, qui transforme profondément les manières de vivre en France. C'est surtout ça. Et en fait, on pourrait rappeler d'ailleurs que le concept de société de consommation, en fait, il apparaît, enfin, il est développé sur le plan théorique par un auteur qui est abordé dans le livre, qui est un des précurseurs de la résistance à la société de consommation, mais sur le plan intellectuel, qui est Henri Lefebvre. Donc Henri Lefebvre, qui est un sociologue et un philosophe marxiste, qui utilise ce concept de société de consommation, mais on oublie de dire que souvent, dans le livre dans lequel il théorise ça, qui est La vie quotidienne dans le monde moderne, qui paraît en 66 ou 67, mais qui avait déjà été anticipé par d'autres travaux de Lefebvre, il parle de société bureaucratique de consommation dirigée. Ce qui donne un tour nettement plus politique et critique à ce concept de société de consommation. Alors, avant juste de te laisser en dire plus, juste on peut dire que toi tu es un spécialiste du mouvement situationniste et que tu as écrit un article, un livre et un article dans cet ouvrage sur les Trente Glorieuses sur la question. Voilà, bon, spécialiste du mouvement situationniste, c'est un peu une contradiction dans les termes, mais en tout cas, oui, donc dans le texte que j'ai fait pour le bouquin, j'essaie de montrer. En fait, j'essaie d'aborder le mouvement situationniste d'une manière qui, à ma connaissance, n'avait pas encore été trop tentée, qui est de l'inscrire dans l'histoire de cette modernisation de la France de l'époque. Or, ce qu'on découvre quand on lit les écrits des situationnistes, c'est que eux-mêmes avaient très bien conscience de ce qui était en train de se passer, et ils évoquent explicitement le fait qu'ils sont dans un pays en pleine modernisation et que c'est cette modernisation qu'il faut attaquer. Alors pour eux, évidemment, cette modernisation, elle prend le tour d'une modernisation capitaliste, c'est-à-dire qu'ils ont une formation marxiste et ils analysent le phénomène en cours à travers ce prisme-là. Modernisation qui se fait sur le plan du travail, donc là, les situationnistes critiquent notamment l'organisation scientifique du travail qui trouve sa sophistication dans ces années-là. Et pour ça, ils s'inspirent beaucoup des écrits de gens à qui il faut rendre hommage, qui sont les gens de socialisme ou barbarie, qui à l'époque se nourrissent de ce qui se passe aux États-Unis. En fait, ils sont très attentifs aux mutations de l'organisation dans l'usine aux États-Unis. Il y a notamment les textes très importants de Paul Romano, l'ouvrier américain, qui sont traduits par socialisme barbarie en France dans les années 50. Et puis les situationnistes critiquent aussi, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont restés les plus connus, ils critiquent aussi ce qui se passe dans le domaine de la consommation et des modes de vie. Et donc là, c'est une attaque en règle contre ce qu'ils appellent la pauvreté du vécu. C'est-à-dire que l'abondance de marchandises qui arrivent dans la vie sociale à l'époque, l'électroménager, les biens de consommation courante, les loisirs, les médias, la sphère culturelle, toutes ces choses-là, en fait, conduisent non pas à un enrichissement de la vie, mais au contraire à un appauvrissement, dans la mesure où tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, de l'intellect, du vital, est réduit purement à des questions quantitatives d'abondance de biens, de consommation. Et notamment, ce qui est intéressant, en fait, dans ce que développent les situationnistes comme critique à l'époque, c'est le fait qu'ils vont aller jusqu'à remettre en cause les catégories de l'économie capitaliste elle-même et du développement. Notamment, on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure de l'opposition entre les développés et les sous-développés, les arriérés et les avancés. En fait, eux contestent radicalement cette opposition-là et vont même jusqu'à dire dans un texte des années 60 que l'autogestion pourrait très bien être une baisse de la production si les ouvriers le décident. Ce qui apparaît complètement étonnant à l'époque et qui anticipe sur ce qu'on peut lire aujourd'hui, par exemple dans les journaux de la décroissance. Mais les situationnistes ne sont pas les seuls à l'époque à développer ce type de critique. Puisqu'on a parlé d'Henri Lefebvre qui le fait, il y a aussi les auteurs qui sont réunis autour du journal Argument, donc des sociologues, des philosophes, qui sont en rupture avec la gauche, à la fois avec la gauche, l'extrême gauche stalinienne, et avec la gauche classique réformiste, et qui vont inventer une sorte de nouvelle gauche à la française. Donc pour les citer, en fait, c'est des gens comme Jean Duvigneau, Costas Axelos, Roland Barthes, Edgar Morin, du temps où, voilà, où il était un peu intelligent. Et donc ces gens-là, en fait, vont créer une revue, Argument, dans laquelle ils vont développer à la fois une critique de l'extrême gauche classique, qui n'est pas capable de comprendre ce qu'il y a de nouveau dans l'après-guerre, les renouvellements du capitalisme de l'après-guerre, et qui vont critiquer aussi, alors donc avec des outils marxistes, c'est la société de leur époque, et avec des outils issus de la philosophie heideggerienne, le développement de la société industrielle. Donc en fait ils le font avec des instruments qui s'attaquent à la fois à l'économie et au développement technologique, et ça c'est une nouveauté relative en fait à l'époque. Et puis on peut citer encore d'autres penseurs plus isolés qui ne forment pas un groupe à proprement parler, mais il y a des gens comme Gabriel Marcel que vous citez dans la préface, ou bien Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, qui sont étudiés par Christian Roy donc dans le livre, qui sont en quelque sorte des francs-tireurs, puisqu'ils sont très isolés dans leur époque. C'est des gens qui viennent du personnalisme d'Emmanuel Mounier, qui ont rompu avec Mounier justement sur la question de la technologie, puisque Mounier dans l'après-guerre... C'est pas Mounier qui a rompu avec lui-même. Oui, enfin, voilà. C'est vrai qu'en fait, il y a une différence entre le Mounier d'avant-guerre et le Mounier d'après-guerre, mais... Et donc, des gens, donc des chrétiens, mais qui sont en résistance contre, on pourrait dire, la modernité, en fait. Parce qu'il y a aussi toute une forme de résistance qui s'enracine, effectivement, dans la perte de quelque chose de plus spirituel avec cette modernisation. Et après, on pourrait parler aussi d'une résistance intellectuelle plus diffuse. Et là, vous donnez des exemples intéressants. On a commencé l'émission en rappelant Georges Perec avec Les Choses. Mais finalement, il y a chez Boris Vian, il y a quelques chansons, notamment sur le nucléaire ou sur les biens, l'électroménager, qui sont des chansons assez amusantes et qui montrent bien qu'on la lui fait pas. Et puis, il y a des romanciers, on peut penser à Christiane Rochefort, par exemple. René Barjavel. Puis sinon, dans la chanson, il y a Jean Ferrat aussi. Oui, parce que c'est aussi important, parce que Jean Ferrat, c'était vraiment un compagnon de route du Parti communiste. Et donc, regardez cette chanson que je vais pas me priver de vous lire. C'est aussi faire exploser un peu une vision du communisme qui aurait été uniquement productiviste. Et notamment, donc dans cette chanson qui s'appelle « Restera-t-il un chant d'oiseau ?» et qui est écrit en 62, c'est-à-dire juste avant la parution du livre de Rachel Carson, « Printemps silencieux », qui montre les conséquences des pesticides sur la disparition des oiseaux. Donc Jean Ferrat écrit, enfin chante plutôt, « Que restera-t-il sur la terre ? Dans 50 ans, on empoisonne les rivières, les océans, on mange des hydrocarbures. Que sais-je encore ? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux ? Le monde a perdu la boussole, qu'a-t-il gagné ? Des plages noires de pétrole pour se baigner, l'atome va régner sur terre comme un seigneur. » Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans ? On empoisonne les rivières, les océans, on mange des hydrocarbures. Que sais-je encore ? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux ? Le monde a perdu la boussole, qu'a-t-il gagné ? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous ? C'est une affaire qui me fait peur. Les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux ? peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps. Enfant, enfant, la terre est ronde, criez plus fort pour que se réveille le monde. Forme. Pour rebondir là-dessus, sur l'atome aussi, il y a eu des résistances quand même très fortes. Oui, Cézine. Qui sont très peu connues. Les résistances à l'atome d'avant la période post-68, en fait, est réduite à une forme de résistance, une forme de mouvement d'opposition, en fait, à la bombe menée par le Parti communiste, donc, notamment par le mouvement de la paix qui était affilié, mais en fait non, au-delà d'une... Enfin, du coup, le discours officiel, en fait, l'histoire officielle, en fait, présente ces résistances à la bombe atomique, entre autres. Mais d'abord, c'est ça qui est mis en avant en tant qu'une instrumentalisation par le Parti communiste de la question, alors que non, au-delà de cela, notamment à partir du milieu des années 50, là où, au niveau international, le mouvement devient international contre les essais atomiques, en France aussi, donc, émergent d'ailleurs des mouvements dits non-alignés, c'est-à-dire ne faisant partie d'aucun des deux blocs, qui précisément mettent en avant la question que, enfin le problème que voilà, que ce soit l'atome capitaliste ou l'atome socialiste, le problème reste le même. Et je vais rappeler par exemple ce qu'écrivait Jean Rostand dans les années 60. Jean Rostand était un des fondateurs du mouvement contre l'armement atomique, donc un mouvement important à l'époque, qui disait que les isotopes capitalistes et les isotopes marxistes séjournent à l'amiable dans le squelette de nos enfants. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Donc il y a toute une série de mouvements à partir des années 50, de groupes en tout cas, qui vont former un mouvement national contre la force de frappe française et plus généralement contre donc les essais atomiques. Mais au-delà de cela aussi, il y a dès cette période, dès les années 60, une opposition à l'atome civil aussi. On va émerger notamment une association, donc l'association de protection contre les rayonnements ionisants, l'APRI, fondée à l'initiative d'un instituteur, Jean Pinheiro, qui est vraiment pionnier sur le plan de la lutte contre l'énergie dite civile. Et à l'époque, c'est la mise en cause de tout type d'application de la radioactivité artificielle, en fait, qui est menée par ce groupe, qui va d'ailleurs s'allier avec des groupes autogestionnaires, naturistes, hein, toute une série de mobilisations qui portent justement le germe d'une mobilisation écologiste, d'un mouvement écologiste au début des années 70. Il y a encore une figure aujourd'hui oubliée qui est le capitaine Jacques-Yves Cousteau, en fait, qui va porter la dénonciation, la contestation justement du projet d'immersion des déchets radioactifs en Méditerranée du CEVA à l'époque. Donc ça fait aussi un grand bruit, par exemple, à l'époque. Donc, il y a toute une série de contestations. Sur le plateau d'Albion en 65, René Char va être à la tête d'une contestation donc, contre le projet de silo à fusée nucléaire du gouvernement français. Et dans les années, encore 60, en fait, on va également en fait voir émerger des réactions en Afrique même contre les explosions atomiques françaises. Donc en fait, toute une série de critiques vraiment très diverses qui ont adopté des formes d'action extrêmement variées pendant cette période. Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement. Enfin, je pense à un cas sur lequel les situationnistes sont intervenus, en fait, qui a été même un des moments de convergence avec le reste de l'ultra-gauche. C'est les grèves sauvages en Belgique en 1960-61, dans le Borinage, où effectivement, enfin, c'est une des plus grandes grèves sauvages de l'époque. On voit des milliers d'ouvriers se mettre en grève indépendamment des syndicats, et il y a une situation quasiment insurrectionnelle dans toute la région. Et c'est des grèves qui anticipent déjà sur ce qui se passe après mai 68, où il y a aussi un certain nombre de nouveaux mouvements sociaux qui émergent, toujours pareil, au début des années 60, et qui sont directement liés à la modernisation, comme par exemple les ouvriers qui se battent pour que le temps de trajet entre leur domicile et le lieu du travail soit compté comme un temps de travail. C'est-à-dire faire porter la responsabilité aux capitalistes de leur propre aménagement de l'espace urbain et du territoire, avec cette modernisation des transports, l'étalement urbain qui s'amplifie, etc. Juste une dernière petite chose avant qu'on close cette émission. Finalement, dans l'ouvrage, il y a un sujet qui est, je pourrais pas dire absent parce qu'il est présent par votre présence même, mais et dans l'écriture. C'est le fait que on a parlé des colonies, on a parlé de l'environnement, on a parlé de la paysannerie, qui sont tous refoulés de cette histoire. Mais finalement, est-ce que les femmes qu'on présente souvent comme les gagnantes de cette période en termes d'avancée sociale, en termes de reconnaissance d'égalité, en termes aussi de facilitation des tâches domestiques, etc. Enfin, tout ça, c'est le discours des Trente Glorieuses. Est-ce qu'elles n'ont pas aussi été, en un sens, affectées par les aspects très négatifs de cette mutation de la société de l'époque? Je ne sais pas où en est votre réflexion sur ce point. Je pense que c'est un champ à ouvrir aussi, un champ de réflexion. Souvent, par exemple, on mentionne la pilule comme une véritable avancée. Est-ce que c'en est vraiment une? Alors je parle là du point de vue sanitaire et écologique que vous avez abordé là. Je parle évidemment pas de la question de la maîtrise sur son propre corps et tout, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses là aussi à questionner dans ce domaine? Enfin, c'est une question ouverte. Bah si, enfin moi en tout cas, je pense que nous tous, c'est un de nos grands regrets, c'est de pas avoir trouvé quelqu'un pour faire un article sur ces questions. Parce que un des mythes quand même dominants de la période, c'est l'électroménager libérant les femmes. La pilule, ça vient un peu plus tard. Hein. Donc, pour esquisser quelques pistes de réflexion, on peut se demander de quelle libération on parle déjà, parce que si on regarde la situation actuelle, les femmes n'ont pas été libérées des tâches ménagères et consacrent un temps conséquent, contrairement aux hommes. Et on assiste au contraire à la fois à un cumul du travail domestique et du travail professionnel qui revient aux femmes. On assiste également à une division en classe des femmes, puisque il y a des femmes riches qui ont recours à des femmes pauvres pour des services domestiques. Il y a eu aussi une affectation des femmes à bien tenir leur foyer. C'est la période où se diffuse massivement la publicité avec un accent très fort sur l'hygiène. il y a un standard du confort et de la propreté qui s'élève très nettement et dont la charge revient aux femmes. Enfin, sur la publicité, ça me fait penser aussi. Bon, je pense toujours à travers le prisme des situationnistes, mais les situationnistes montrent bien aussi comment le corps de la femme est de plus en plus exploité dans la publicité pour vendre des marchandises, et d'une manière qui est beaucoup plus. Auparavant, on pouvait encore parler d'érotisation, etc. Mais là, en fait, il y a vraiment un usage très réifiant, en fait, du corps de la femme dans les années 60, en fait. On cherche à vendre du libidinal, en fait, à travers la marchandise. Et des produits derrière aussi. Hein. Voilà, mais en fait, on enrobe le produit dans quelque chose de libidinal qui est dans le corps de la femme, quoi. Et le corps de la femme devient lui-même un produit à travers cette transformation. Mmh. Et ça, c'est vraiment typique des années 60. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on n'observe pas avant, et c'est quelque chose qui va s'intensifier toujours plus au fur et à mesure que les années passent. Et pas seulement dans la publicité, enfin dans la plupart des supports, hein, que ce soit au cinéma, dans la littérature. Oui, on peut aussi dire qu'effectivement, bon, pour l'électroménager, il y a tout de même un effet indéniable de libération dans un certain sens, c'est-à-dire de diminution d'un travail qui consistait à laver tous les linges. Ça, je pense qu'on ne peut pas le nier, mais de là à émerger, ou en tout cas à s'est fait dominer l'idée qu'il fallait consommer, il fallait faire de plus en plus recours, en fait, à ces objets électroménagers dont on ne peut que constater aujourd'hui l'obsolescence programmée d'une certaine façon. Et donc, pour cette obsolescence programmée, est nécessaire en fait une production de plus en plus massive, dont fait l'objet aussi des femmes en tant que productrices, donc de plus en plus nombreuses, entre autres, pas que les femmes, mais dans des usines. Donc on peut aussi se questionner sur quelle libération dans le sens d'un transfert dans les lieux, mais aussi même de travail en fait. Mais aussi quel changement, je connais pas du tout, hein, mais c'est vraiment des questions ouvertes, quel changement il y a eu dans les formes de sociabilité? Est-ce qu'il n'y a pas eu très largement un repli sur l'intérieur aussi, et d'individualité des femmes autour de ces tâches ménagères que peut-être il n'y avait pas avant, qui étaient peut-être prises en charge plus collectivement? Enfin, c'est des travaux dont on a vraiment besoin, en tout cas aujourd'hui. Si on voit l'exemple du lavoir, enfin de passer du lavoir collectif, quelque part les femmes se retrouvaient entre elles, donc il y avait une sociabilisation, à la personne qui est à l'intérieur du domicile, et en plus avec les critères de sanitaires qui ont augmenté, enfin il y a autant de travail, puisque finalement il faut laver plus qu'avant, on lavait moins et de façon différente. Moi, je parle là, plutôt d'expérience de la famille, des gens qui voient une évolution. Et c'est, y a à la fois un carcan social qui était très lourd à porter, mais y a énormément de choses qui ont évolué. Du coup, c'est très difficile de dire qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu. Pareil sur la prise en charge des enfants, effectivement. Mais en tout cas, on peut dire que le partage des tâches ménagères, c'est pas fait. Donc, de toute façon, que ce soit passer l'aspirateur ou que le mode ait changé, que ce soit un peu plus pratique, ça ne change pas vraiment le fond du problème, qui est l'égalité, en fait, l'égalité sociale. Bon, on remercie nos invités de ce soir d'être venus. Donc, elles étaient là, je rappelle, pour un ouvrage qui s'intitule Une autre histoire des Trente Glorieuses, qui est publié sous la direction de Céline Pessis, Cézine Topchou et Christophe Bonneuil. Et c'est un ouvrage qui est publié aux éditions de La Découverte. En 2013, donc. Et voilà, on vient d'entendre la présentation de cet ouvrage par Céline Pessis, Cézine Topchou et Patrick Marcolini, qui anime une collection aux éditions L'Échappée. Je voulais d'abord présenter le fait que Cézine Topchou a publié La France nucléaire, l'art de gouverner une technologie contestée aux éditions du Seuil en 2013, qui raconte les manœuvres successives par lesquelles les promoteurs du programme électronucléaire vont vider de leur sens, récupérer et déplacer l'enjeu des arguments antinucléaires. Quelque chose qui revient sur une période très importante de l'histoire de la France, puisqu'on est un des pays les plus nucléarisés au monde. Et Céline Pessis, qui a coordonné aussi Survivre et vivre, critique de la science, naissance de l'écologie, c'est publié aux éditions L'Échappée. C'est la collection Frankenstein, petit pavé aussi, qui raconte l'histoire du groupe Survivre et vivre, le mouvement de scientifiques critiques rassemblés autour du grand mathématicien Alexandre Grothendieck. Ce groupe Survivre et vivre dénonce la militarisation de la recherche et l'orientation mortifère du développement technoscientifique. Et donc, voilà, ça devient au début des années 70 un des groupes assez connus à l'époque pour sa critique assez virulente et écologique du développement industriel. Des ouvrages qui permettent de prolonger la réflexion sur cette histoire, autre histoire des Trente Glorieuses, qui n'est pas si glorieuse que ça finalement, quand on se rend compte un petit peu de ce qui s'est passé à cette époque-là. Quand ma belle a eu 30 ans, 30 ans c'est pas tous les ans, je me suis dit je vais lui faire un cadeau d'anniversaire. Quand ma belle a eu 30 ans, puisque c'est pas tous les ans, je me suis fendu, j'ai offert une petite centrale nucléaire. Une petite centrale nucléaire avec tout le nécessaire, un modèle à toute épreuve, garantie pièce et main d'œuvre, dans un emballage cadeau, un beau refroidisseur d'eau, en vrai béton naturel, avec gravé au burin. Nucléaire plus qu'hier et bien moins que demain. Quand ma belle a eu 30 ans, 30 ans c'est pas tous les ans, je me suis fendu, j'ai offert une petite centrale nucléaire. Quand elle a vu ça ma belle, elle a laissé sa vaisselle, elle est sortie de la cuisine, je m'en vais chercher les voisines. Quand les voisines ont vu ça, elles en ont perdu les bras. Elles ont dit Dieu qu'il a fait une petite centrale nucléaire. Une petite centrale nucléaire avec tout le nécessaire, un modèle à toute épreuve, garantie pièce et main d'homme, dans un emballage cadom, quatre crayons d'uranium et un petit mémorandum, comment faire du plutonium. Plutonium, le confort at home. Miam. Quand elle a vu sa mabelle, elle a laissé sa vaisselle, elle a dit Dieu qu'elle a fait une petite centrale nucléaire. Quand on a eu la migraine, on s'est dit c'est la trentaine. Et puis comme ça tout d'un soir arrive un drôle de brouillard. Brouillard, v'là le chat qui perd ses poils et le poisson qui s'écaille. On s'est dit y'a rien à faire, faut faire venir un expert. Un petit expert nucléaire avec tout son nécessaire, un expert à toute épreuve, garantie pièce et main d'œuvre. Il a regardé les soudures, il a dit il y a des fissures, il y a des pépins dans le noyau, et le noyau noyé donc, faut évacuer l'immeuble, surtout pas toucher au meuble. Vous n'avez qu'une chose à faire, vous défaire du nucléaire. Là, là. On s'est retrouvé dans la rue sans abri presque tout nu, et les autres locataires qui nous regardaient de travers. Alors ma belle tendrement m'a embrassé en disant après tout ça moi je préfère un joli miroir solaire. Un joli miroir solaire au prochain anniversaire, un miroir réfléchissant où je pourrais me voir dedans. Ça ne fait pas de poussière, et ça ne fait pas d'accident, et ça détend l'atmosphère, et ça ne fait pas peur aux gens. Cœur des électriciens. Ça ne fait pas de poussière, et ça ne fait pas d'accident, et ça détend l'atmosphère, et ça ne fait pas peur aux gens. Toujours éditions L'Échappée, édition de tendance libertaire, voire même carrément anarchiste, en tout cas qui publie énormément de choses sur les mouvements sociaux, la résistance dans une optique assez anarchiste. Cette année, au début de cette année, donc en 2019, ils ont fait paraître Bernard Charbonneau, Le totalitarisme industriel, et c'est un livre d'environ 270 pages, qui est un recueil d'articles écrits par Bernard Charbonneau pour les revues Combat Nature et La Gueule Ouverte, revue écologique des années 70, donc un recueil d'une trentaine d'articles environ, où il expose un peu les idées qu'il développera ou reprendra dans ses différents ouvrages. Voilà, Bernard Charbonneau, tout à l'heure Patrick Marcolini en a parlé, c'était le grand ami de Jacques Ellul, qui est lui-même critique de la technique. Bernard Charbonneau, lui, était professeur d'histoire-géographie du côté de Bordeaux. Il a fait un certain nombre d'ouvrages assez prémonitoires aussi sur la critique du développement industriel, l'écologie aussi. Je cite, voilà par exemple, « Il est un point très clair sur lequel devraient s'accorder tous les écolos, l'abandon d'un soi-disant progrès qui nous accule au dilemme de la catastrophe ou de l'état totalitaire mondial. » Voilà, ça c'est vraiment le grand thème de Bernard Charbonneau qu'il a développé dans différents ouvrages. Par exemple, juste avant la parution du rapport Meadows sur les limites de la croissance, eh bien, il avait publié Le système et le chaos, critique du développement industriel indéfini de la croissance. On retrouve donc énormément de thèmes qu'il a développés par la suite, notamment dans son ouvrage Notre table rase, qui faisait une critique de la modernisation agricole qui se faisait alors. Et donc voilà, surtout, sa réflexion sur l'écologie est assez critique aussi. Autre livre prémonitoire, Le Feu Vert, autocritique du mouvement écologique. Il a été republié aux éditions Parangon en 2009. Et ça aussi, c'est un ouvrage assez important. Je vous lis un extrait de la quatrième de couverture. L'émergence d'un mouvement écologiste nous permettra-t-elle de résister aux tendances totalitaires du système technoscientifique? Telle est la question que se posait déjà Bernard Charbonneau il y a 30 ans. En effet, à l'heure du développement durable et du capitalisme vert, on peut penser, et là c'est Charbonneau qui parle, que sauf catastrophe, le virage écologique ne sera pas le fait d'une opposition très minoritaire dépourvue de moyens, mais de la bourgeoisie dirigeante le jour où elle ne pourra faire autrement. Ce sont les diverses responsables de la ruine de la terre qui organiseront le sauvetage du peu qui en restera et qui, après l'abondance, géreront la pénurie et la survie. Car ceux-là n'ont aucun préjugé, ils ne croient pas plus au développement qu'à l'écologie, ils ne croient qu'au pouvoir qui est celui de faire ce qui ne peut être fait autrement. Bernard Charbonneau propose dans cet ouvrage Le Feu Vert de mettre en perspective le mouvement écologiste et de clarifier les contradictions qu'il travaille et risque de le stériliser. Animé par des individus plus conscients du sens de leur action, c'est-à-dire de son origine et de ses fins, peut-être ce mouvement saura-t-il mieux choisir ses objectifs et ses moyens pour sauver la nature sans sacrifier la liberté. Donc voilà, un ouvrage qui est d'autant plus d'actualité de nos jours, avec les mouvements par exemple Extinction Rébellion. On peut espérer qu'il deviendra un peu plus radical sur ces questions là aussi. Et d'autres écolo-réformistes qu'il faut justement critiquer par leur compromission avec un certain nombre de puissances économiques, technologiques et autres. Pour terminer, juste signaler que la petite brochure sur laquelle je travaille actuellement, La réappropriation contre le progrès, est disponible auprès de Radio Zinzine 04 300 Liman si vous voulez la lire en exclusivité. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.